Yeah. Liberian Bling. Liberian Bling, l'alco. Le rap a traversé ma life, il a évolué avec. Plus léger sur la pierre, sans le port. Le bling bling, c'est le bruit des chaînes dans ma tête. J'suis une fierté nationale et l'ennemi public numéro 1. Le cul entre le trône et la chaise électrique. Et ici, j'finirai crier car seul Dieu numéro de bien. Quand j'fais tic, mes négros font tac. On essaye de rester intact depuis la Bible et la mort de Lot. On est les fils des bold people, entassés dans des cales. Et parce que maintenant on a des team boots et de la ferraille, toute option, tu penses que c'est calme. Camarade, j'gagne quoi en rappant si c'était faire comme Messrine et Hachette comme Mitterrand. Laisse les bons briller, laisse l'intelligence me mordre et les flammes du talent me croquer. Élégance d'un drapeau, j'flot pas, j'flotte comme les prières cachées de ceux qui ont de la blanche et de la verte dans le slip. Le drapeau du Nigeria, où une tache rouge, j'suis leur t-shirt blanc. Le drapeau du Japon, mes étoiles de la rue cernées par les bleus qui ont marché sur leur sang. Le drapeau du Liberia, nous éliminons la culture d'un homme qui pine dans les fesses pour t'amoindrir. Ceux qui s'initient portent les garnitures le temps que ça cicatrise. Tu penses qu'ils seront comment quand ce sont eux qui auront les pistolets et les Chrysler? Ils seront pires. La couronne ira au plus brave, Liberian Bling. On porte des bijoux de famille, Liberian Bling. Ils pensent qu'on est plus fort qu'eux, ils nous minimisent. Liberian Bling, sans esclave, cœur de king. La couronne ira au plus brave, Liberian Bling. On porte des bijoux de famille, Liberian Bling. Ils pensent qu'on est plus fort qu'eux, ils nous minimisent. Liberian Bling, sans esclave, cœur de king. Ok, Liberian Bling, sans esclave, sans de king. Sans contaminer, sans espoir, sans nos vies. J'porte chromosome XY. Z, je viens de la zizanie, fais des gros travers sur mon ADN. Ben m'en un fier, et de fer sera la main avec laquelle je serai obligé de gouverner mes frères. Car trop tête en l'air, la désorganisation dans les gènes depuis la première ère. J'ai tout d'un vrai nègre, la peau, le skeg. Ce kiff du retard et ses autres clichés de merde. Je le dis, mes voeux sont revanchards. Je faire pleuvoir des magrets de canard, des marées de caviar que mon peuple bouffe à s'en faire exploser l'estomac. Car habitué à boire ces délicieux de cocktails de salive servis avec dédain et mépris. Et le pire, c'est qu'on sert une paille en te disant pas la paix. La couronne ira au plus brave, Liberian Bling. On porte des bijoux de famille, Liberian Bling. Ils pensent qu'on est plus fort qu'eux, ils nous minimisent. Liberian Bling, sans esclave, cœur de king. La couronne ira au plus brave, Liberian Bling. On porte des bijoux de famille, Liberian Bling. Ils pensent qu'on est plus fort qu'eux, ils nous minimisent. Liberian Bling, sans esclave, cœur de king. J'attends le sac. On va vous piller, mettre tes billets dans le sac. Ils nous ont transmis la culture de la victoire qui n'arrive qu'après un massacre. Et si on te prend tout ce qui te rend digne, ta langue, tes dents, tes bijoux de famille. L'assaillant ne te laisse rien. Pour qu'on le craigne en guerre, il fait un pendentif avec ta chair et tes biens. Le bling bling libérien, loin de tes rappeurs qui laissent pendre des gros chaînes sur leurs seins. Moi j'ai doué au microphone HF, je le rythme comme un Brechnev. Te raconte comment ils ont fini notre zèf. Et maintenant les flics s'amusent à nous éclater la cervelle. De quartier en carcan, en cartel, anti-insigne, anti-système. Fait super mal en plaque claquette. Les frères se font pénétrer par la haine, abattre en première ligne. Je reste silencieux comme un véhicule cher. Ma légende s'écrira ligne par ligne. Même si pour l'état je suis peu d'estime, mes partenaires en crime connaissent mon style. Ils se demandent encore qui est ma cible. Ma mère se demande où est passée ma fibre sensible. Mes rimes sonnent comme un affrontement civil. Ma promotion vient adoucir les chocs à venir comme la vaseline. Viens pas jouer ici, on a appris au Venezuela. On est loin des délits, notre denim. C'est la barbe, les linges clean. Parfois même les mêmes jeans que James Dean. Veste cuir, puragno. Mais ce qui importe, c'est nos cœurs de lion. Maintenant que tu n'es qu'au l'alco, peco. Arrête-toi à chaque fois devant le drapeau. Tu camères et tu malines, les gars. Jaoudé Bamako, digne représentant. Liberia, ouais, tu fais un peu libéral king. Ces mecs veulent collectionner nos scalps comme les Indiens. Non, sérieux. Mais négros, on s'élève comme les Égyptiens. On est ces enfants bénis d'Afrique. On vient aider nos streams parce qu'on a la chance derrière devant des micros. Ouais, et maintenant que tu n'es qu'au l'alco, péco. Yeah. À chaque fois, salue le drapeau du Camer, du Mali. L'image qu'on balance est de métal.